Tu verras, ce sera pas moi qui dira ce qui va pas. Alors, trouve pas, cherche pas. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Tu me vois pas, tu me parles pas. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne va pas. Pour toi, tu verras, ce sera pas moi qui dira ce qui va pas. Alors, trouve pas, cherche pas. Qu'est-ce qu'il y a?